Bonsoir, bienvenue dans Autant n'importe l'histoire. Aujourd'hui, Eva Perón, la Madone aux deux visages. Le 22 août 1951, une marée humaine de 2 millions d'Argentins a envahi l'immense avenue du 9 juillet dans le centre de Buenos Aires. Depuis 5 ans, le pays est présidé par le général Juan Perón, mais aussi de fait par son épouse, la très charismatique Eva Perón, dont la popularité est une arme précieuse pour le pouvoir. Mais en ce jour de 1951, alors que se profilent les élections, la foule va demander davantage de son héroïne. Pour la première fois de leur histoire, les femmes argentines, grâce à Eva Perón, vont pouvoir voter et même se présenter aux élections. C'est dans ce contexte que la puissante CGT, le syndicat soutenu par Evita, comme on l'appelle, lui demande ce jour-là de se porter candidate à la vice-présidence, du jamais vu en Argentine. Au fil des heures, un étonnant dialogue passionnel va se nouer entre Evita Perón à la tribune et la foule de plus en plus exaltée qui lui fait face et qui l'implore. Evita, Evita, Evita avec Perón. Eva Perón ne sera pas vice-présidente et elle mourra moins d'un an plus tard. Mais comment cette jeune femme, ex-comédienne de série B, a-t-elle réussi en quelques années à incarner le peuple argentin et à demeurer encore aujourd'hui une icône nationale ? France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Guillaume de Gracia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, professeur d'histoire, auteur d'un livre sur l'Argentine de Perón. Eva Perón a donc eu une existence très brève, hein, une existence politique et une vie donc aussi très brève puisqu'elle est morte à 33 ans, emportée par un cancer. Mais le personnage continue de fasciner en Argentine et ailleurs, quels que soient d'ailleurs les sentiments qu'on a à son égard. Comment en peut-on l'expliquer ? Guillaume de Gracia. Je pense que il y a plusieurs facteurs à ça, bien évidemment. Il y a le fait que Eva Perón ait été une brillante oratrice, exaltée, vous l'avez dit en introduction, quelqu'un de physiquement par ailleurs particulièrement attirant, qui avait tendance à dire, enfin qui avait l'habitude de dire que il fallait qu'elle soit belle pour son sous escamisados, les fameuses sans chemises dont il sera question un peu plus tard certainement dans l'émission. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fascine à plus d'un titre, effectivement, cette espèce de trajectoire fulgurante qui la voit naître dans un petit village de la province de Buenos Aires et qui la voit donc en très très peu d'années arriver quasiment au sommet de l'État ou d'un État parallèle presque, puisque effectivement, à côté de Juan Domingo Perón, Evita, sans avoir forcément une capacité d'action concrète, au sens où elle ne va pas forcément tirer des manettes d'une certaine manière, mais elle a un tel poids, une telle aura dans le peuple argentin que effectivement sa voix porte et compte. Alors l'histoire que je vais raconter commence en 1944 quand Eva Duarte, c'est son nom de jeune fille comme on dit, elle est jeune comédienne, elle rencontre Juan Perón qui est alors ministre dans un gouvernement issu d'un coup d'État hein, 2 ans plus tôt. À cette époque, à quoi ressemble l'Argentine ? Ce n'est pas exactement une démocratie. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, en 1944, donc ça fait depuis un peu plus d'un an, c'est le 4 juin 1943 en fait qu'un coup d'État dans lequel, enfin non, dans les valises duquel fait partie Juan Domingo Perón, est arrivé à la tête du pays, mais il succède en fait à ce que les Argentins, enfin en tout cas les historiens et politologues argentins ont l'habitude d'appeler la década infame, c'est-à-dire une période de temps qui la dure de 1930. Infâme, c'est ça ? La décade infâme, oui, de 1930 à 1943 en fait, c'est un peu plus long qu'une décade, mais en gros qui va voir se succéder alors à l'initiative d'un premier coup d'État en septembre 1930, une succession de régimes qui sont des régimes totalement corrompus, qui font voter les morts, enfin qui bénéficient d'une légitimité très très faible au final dans la population et qui par ailleurs en fait sont très proches pour le dernier président qui va donc être déposé par la junte à laquelle appartient Perón et donc très proche des nazis. Ce qui fait qu'en 44 en fait tout simplement l'Argentine est toujours neutre, elle n'est pas rentrée dans la guerre et elle rentrera dans la guerre le 27 mars 45. C'est tard, oui. Donc, justement, elle prendra quelle option, j'imagine, le parti des Alliés? Alors, normalement, l'Argentine est liée par le pacte de Lima de 1938 aux États-Unis et techniquement était censée rentrer en guerre avec les États-Unis en 1941, ce qu'elle va repousser jusqu'à, effectivement, que l'ambiance devienne tellement pesante pour elle qu'elle ne puisse pas faire autre chose que rentrer dans la guerre du côté des Alliés. Eva Duarte, vous l'avez dit, vient d'un petit village, l'Argentine, rurale. Quelle a été son histoire personnelle? Elle vient d'un milieu assez pauvre. Une histoire familiale assez dure aussi. Une histoire familiale assez dure, un milieu assez pauvre. Elle n'est pas reconnue, pas plus que son frère Juancito, Juan Duarte, qui aura une destinée à peu près aussi dramatique que celle de sa sœur, d'ailleurs, puisqu'il mourra moins d'un an plus tard, se suicidera d'ailleurs. En fait, elle est typique un peu de cette toute une génération argentine qui, en fait, c'est donc cette génération des années 30, donc de la décade infâme, qui en fait pâtissent quand même de misère, de pauvreté, enfin de carences alimentaires extrêmement graves. Il y a tout un tas d'enquêtes qui sont faites à l'époque et qui prouvent que les Argentins souffrent matériellement, physiquement, moralement de cette succession donc de régimes qui concrètement restent au pouvoir pour leurs intérêts propres mais pas pour les intérêts populaires. Ce qui prépare d'autant le terrain en fait à ce qui va venir par la suite, à savoir le péronisme. Donc c'est typique en fait, cette famille elle est typique de ça, avec peut-être le complément du fait que le père de Eva Perón, enfin Eva Duarte, n'a pas reconnu ses 5 autres enfants et vit dans une autre ville que Los Toldos, donc là où est née Eva Perón. Oui, il a une double vie. Il a une double vie, oui. Et c'est sa mère qui va élever seule ses enfants. Ce dont ils vont particulièrement souffrir tout au long de leur vie, et ce sera une espèce d'un manque que d'aucuns ont voulu psychanalyser aussi dans cette recherche qu'aurait eu Eva Duarte auprès de cet homme beaucoup plus vieux qui s'appelle Domingo Perón et qui a 24 ans de plus qu'elle. Donc il y a cette espèce de recherche aussi qui lui a été prêtée. Donc Eva Duarte, à 15 ans, part pour Buenos Aires. Elle va commencer dans le théâtre, elle va obtenir une certaine notoriété et un certain confort à partir de 1942. Et en 44, donc, elle rencontre Juan Perón. Guillaume de Gracia, on continue tout à l'heure, si vous voulez bien, de parler d'Eva Perón et du péronisme. Tout de suite, Eva Perón, la Madone de visage, un texte de Zoé Gabillet et Clara Saer, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Sophie Picon. Une intense douleur au ventre, et puis plus rien. Heureusement que quelqu'un m'a rattrapé. J'aurais pu me blesser en tombant. C'est la première fois que ce genre de faiblesse m'arrive. Un peu d'air frais me fera du bien. Comment Perón a-t-il osé me refuser ce crédit? Ça me rend folle. Ma fondation a besoin de cet argent. Ça doit être un coup d'un de ces pantins en uniforme. Les hommes de son cabinet passent leur vie à l'influencer et à me contredire. Juan, je t'aime, mais parfois tu peux te montrer si lâche. Tu me dois des explications. Nous nous étions promis d'aider les plus démunis. Dès le jour de notre rencontre, nous partagions ce même désir. Tu m'avais juré que tu serais toujours présent pour la nation et pour moi. Perón n'abandonne jamais ce qu'il aime. Madre mia, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Entrez. Eva, le chauffeur est là. On t'attend pour la réunion de 5 heures à la fondation. Ça va aller? On peut annuler, tu sais, ils comprendront. Je vais très bien, Juancito. Arrête de jouer les grands frères protecteurs, c'est insupportable. Allons-y. Je ne veux pas être en retard. Bien. Buenos Aires, 9 janvier 1950, à la Casa Rosada, le palais présidentiel argentin. Plus tôt dans la journée, Eva Perón s'est effondrée au milieu d'une cérémonie officielle, au siège du syndicat des taxis. Cela fait plusieurs semaines que l'épouse de Juan Perón, le général qui dirige d'une main de fer le pays, montre des signes de faiblesse. Depuis que le couple a été élu en 1946, la femme du président est une véritable star. Adulée par les foules, elle est devenue la pièce maîtresse dans le dispositif Perón à la tête de l'Argentine. À Perón, les affaires intérieures et l'économie, à Evita, comme l'appellent les gens du peuple, l'action sociale. Pourtant, en cette chaude journée d'été austral, la descente aux enfers d'Eva Perón est en marche. Ce qu'elle n'aurait jamais imaginé il y a 6 ans, le soir de sa première rencontre avec celui qui allait devenir le président. C'était le 22 janvier 1944. L'Argentine pleurait les milliers de victimes d'un tremblement de terre. Eva Duarte, jeune comédienne de 24 ans, a passé la journée avec son amie Rita à collecter des fonds pour les victimes. Et ce soir, elles se rendent ensemble au gala de charité organisé au stade Luna Park de Buenos Aires. Rita, attends-moi. Allez ma vieille, dépêche-toi. On a descendu et remonté la rue Florida au moins 20 fois aujourd'hui. Les gens ont du mal à desserrer le porte-monnaie. J'ai les chevilles comme des poteaux. Tu te prendras une douche glacée en rentrant. Mais en attendant, si tu veux lui parler à ton père, faut se grouiller. Stop. Pose rouge à lèvres. Je veux être parfaite. Bonne idée. Moi aussi, je compte bien me trouver un bel officier ce soir. Comme ça? C'est bien? Très bien. Tiens. Tu sais, nos regards se sont croisés plusieurs fois cet après-midi. J'ai toutes mes chances, je le sens. Comme beaucoup d'autres poupées dans ton genre avant toi. Peut-être. Et alors? Ah! Ça y est, on arrive. Tu veux vraiment passer la nuit avec un type qui pourrait être ton père? Ce type, comme tu dis, il est ministre du Travail et on dit qu'il va bientôt devenir le vice-président du pays. Tu t'intéresses à la politique maintenant? Mais elle est où l'entrée? Il me plaît vraiment, tu sais. Il a quelque chose de rassurant. Son regard me touche. Eva, ton romantisme te perdra. Tout est bouclé. Il y a un colosse devant chaque porte. On ne nous laissera jamais rentrer sans invitation officielle. Ils nous trouvent assez bonnes pour récolter des pièces pour les miséreux. Ils vont bien nous laisser entrer au cocktail. On est actrice, oui ou non? Oh, mais regarde! Ce n'est pas Humbert là-bas? Le ministre des Communications? Il est avec Perón, en plus! T'as raison. Colonel Humbert! Colonel Humbert! Il te fait signe. Allons-y. Tu te charges d'Imbert et moi, j'essaye d'approcher Perón. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi. La place est libre? Pour vous, bien sûr. Je ne refuse jamais la compagnie d'une jolie femme. Merci. Eva Duarte. On ne s'est pas déjà vu quelque part? Si, cet après-midi, rue Florida. Ah oui. Vous êtes une de ces artistes qui ont eu la gentillesse de prendre sur leur temps pour aider toutes ces malheureuses victimes? Oui, je suis actrice. Je travaille à Radio Belgrano. Désolée, je n'écoute pas les feuilletons. Bien sûr, un homme d'État comme vous a mieux à faire. Et avec ce qui vient de se passer en plus, ce tremblement de terre, ces milliers de morts... Les secours travaillent encore d'arrache-pied pour tenter de retrouver des corps sous les décombres. Et tous ces orphelins, des centaines d'enfants ont perdu père et mère du jour au lendemain. C'est terrible. Mais les Argentins ne vont pas se laisser abattre. Beaucoup de familles sont prêtes à adopter un gosse de 5 Juan. En organisant ce gala, je n'en attendais pas moins de notre peuple. Vous allez me prendre pour une midinette? Mais j'admire beaucoup votre action politique. Mais vous parlez aux ouvriers et aux paysans comme si vous étiez un des leurs. C'est rare, un homme en uniforme possédant tant d'humanité. Oh, l'uniforme, vous savez. Regardez Mussolini en Italie. Oui. Bon, le pauvre, il est en mauvaise posture aujourd'hui. Mais voyez-vous, quand il était au pouvoir, il aurait tout fait pour son peuple. Son modèle social était le meilleur du monde. Un savant mélange d'ordre et de bonté. Les militaires ne sont pas juste bons à faire la guerre. Nous avons une âme, comme tout le monde. J'aimerais tellement moi aussi servir mon pays comme vous le faites. L'injustice me fait souffrir dans ma chair. Je la connais. Je la comprends. Ah oui ? Toute mon enfance, j'ai vu ma mère trimée comme un chien. Moi et ma famille, nous avons toujours été traités comme des parias. L'humiliation, croyez-moi, je sais ce que c'est. J'ai serré les dents. Je me suis battue. Mais je n'oublierai jamais d'où je viens. Chez moi aussi, les choses étaient compliquées. Je me suis construit sans père. Et ma mère, Juana... Et ma mère aussi s'appelle Juana. C'est fou. Et comme pour vous, mon père était peu présent. Les gens qui grandissent avec ce manque, ou dans la pauvreté, se reconnaissent toujours entre eux. C'est tout à fait ça. Comment puis-je vous aider, colonel, à redonner aux plus démunis leur dignité? Vous voudriez vous engager en politique? Dans ce pays, les femmes ne peuvent même pas voter, donc je n'aurais pas cette prétention. Mais je suis sûre que je peux être utile quelque part. Comment se fait-il qu'en Argentine, une poignée de riches possède tout, quand des millions de gens n'ont rien? Ça me rend malade. Votre colère est touchante. Vous ne me prenez pas au sérieux? Mais bien sûr que si. Allez, reprenez-vous, mon petit, vous êtes toute pâle. Si vous voulez aller au combat, il faudra vous endurcir. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en sucre. Je ne demande qu'à voir ça. Ah bon? Allez, venez. Allons boire un verre tous les deux pour continuer à discuter au calme. Mon chauffeur m'attend à la sortie. Je vous suis, colonel. En une nuit, la vie d'Eva Duarte s'est transformée. Désormais, c'est dans une voiture officielle du ministère qu'elle se rend tous les matins à Radio Belgrano. La jeune actrice et le ministre du Travail ne cachent pas leur amour, malgré leurs 24 ans d'écart et le parfum de scandale qui les entoure. Mais Juan Perón n'en a cure, galvanisé par sa popularité grandissante. Au sein du pouvoir, deux camps se dessinent désormais, les nationalistes populaires et les nationalistes élitistes. La première faction est dominée par Perón. Le ministre du Travail multiplie les rapprochements avec les syndicats et fait voter des lois en faveur des travailleurs, ce qui lui vaut la forte adhésion du peuple. Mais surtout, il est devenu le 8 juillet 1944 le vice-président du général Farrell. L'objectif du duo est de pouvoir convoquer prochainement des élections. Au fur et à mesure que l'aura de Perón se développe, l'opposition conservatrice se crispe. Le 19 septembre 1945, 200 000 personnes manifestent pour demander sa démission. Les émeutes militaires pour renverser le gouvernement se succèdent et le 12 octobre, Juan Perón est arrêté. Eva, désespérée, remue ciel et terre pour le voir. En vain. Mais les partisans du colonel préparent leur riposte. Le 17 octobre 1945, un vent de révolution souffle dans les rues de Buenos Aires. Eva, je t'en prie, arrête de t'agiter comme ça. On dirait un lion en cage. Tu ne comprends pas, Juancito. Fais au moins l'effort de manger quelque chose. Je n'ai pas faim. Et en plus, tu ne dors pas. Mais tu ne comprends donc rien? Tout ce qui est en train d'arriver est de ma faute. Je n'aurais jamais dû... Tu n'aurais jamais dû quoi? Faire nommer Nicolini comme ministre des Postes et des Communications, c'est ça? C'était une erreur. Maintenant, Juan est derrière les barreaux. C'est normal de rendre service à un ami du village. C'est plus qu'un service. Il a été nommé ministre. Ce poste, il le méritait. Mais c'est ça qui a tout déclenché. Si Perón ne m'avait pas suivi, peut-être qu'à l'heure où nous parlons, il ne serait pas en prison. Arrête! Nicolini n'est qu'un prétexte. Le problème, c'est que c'est moi qui lui ai demandé. Et lui, comme d'habitude, il m'a défendu. Et voilà que ça a causé sa perte. Tout ce que tu as fait depuis 5 jours, aucune femme au monde n'en serait capable. C'est toi seule qui as mobilisé les syndicats. Tu as su leur parler. Je n'ai fait que mon devoir. Les ouvriers t'écoutent. Ils savent que tu es sincère quand tu parles de tout ce que Perón peut faire pour eux. Il n'y a que Juan qui pourra leur redonner espoir. Et c'est pour ça que ces salauds d'insurgés veulent vous faire taire. Mais à vous deux, vous êtes invincibles. Vous pouvez rendre le pouvoir aux pauvres. Et ça, ils ne le supportent pas. Que Dieu t'entende. C'est déjà fait. Écoute l'agitation dans la rue. Regarde par la fenêtre. Ces hommes et ces femmes, à ton avis, où ils vont? Ils veulent délivrer Perón. Tu crois? Les syndicats ont déjà sûrement pris le relais à l'heure où on parle. Il leur faut très peu de temps pour mobiliser leurs hommes. Perón sera bientôt libéré. Allô? Eva, ma chérie. C'est moi. Ne t'inquiète pas, je suis libre. Tu m'as tellement manqué. Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Je suis sorti. C'est tout ce qui compte. Ah, si t'avais vu ça. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui criaient mon nom. J'aurais tellement voulu que tu sois là avec moi. Ils te veulent pour être leur nouveau président. J'ai du mal à y croire. Je ne suis qu'un militaire. Non. Tu es notre leader désormais. Tout cela me donne le vertige. Et si on partait? Marions-nous loin de tout ce cirque? Écoute-moi bien. Tu vas te montrer au balcon, leur offrir ton plus beau sourire, leur dire à quel point tu les aimes et leur prouver qu'ils n'ont pas eu tort de croire en toi. L'Argentine te regarde. Et moi, je t'attends pour devenir ta femme. Je te laisse, on m'appelle. Alors ? Il est libre. Il avait une bonne voix. Maintenant, laisse-moi, frérot, s'il te plaît. J'ai besoin d'être seule ce soir. Très bien. Mais n'hésite pas à me téléphoner si tu as besoin de quoi que ce soit. Madre mia, pleine de grâce, merci, merci. J'espère ne jamais vous décevoir. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Quand je les revois, ces nantis, le nez levé, nous mépriser. Vous n'y croyez pas? Et pourtant, nous voilà au pouvoir. Et le peuple est avec nous. C'est vous, les parasites. Les pauvres aussi ont droit aux belles choses. Ils peuvent désirer ce qu'il y a de mieux. Perón va mettre en œuvre sa politique. Il a raison. Qu'il nationalise les banques, les assurances et les chemins de fer. Tout ça appartient désormais aux Argentins. Qu'il écrase d'impôts et de taxes les plus riches et les propriétaires qui sucent le sang du pays en exportant toutes nos richesses. Et moi, je vais me consacrer à mes descamisados, à ma mission. Madre mia, tu m'as envoyé ta lumière. 5 jours après le retour triomphal de Perón en politique, le 22 octobre 1945, les deux amants se marient discrètement à Junín, la ville où Eva a grandi. Le 4 juin 1946, Perón est élu président de la nation avec 56% des suffrages et le couple fait son entrée au palais présidentiel de la Casa Rosada à Buenos Aires. Le péronisme se met alors en place. Mélange d'autoritarisme, de populisme et d'action sociale innovante, la politique de Perón rompt avec les canons du genre. C'est Eva qui se fait la représentante de l'action sociale avec la création en 1948 de la fondation qui porte son nom. Mais dans l'opposition, certaines relations du couple suscitent des controverses. En effet, de nombreux criminels de guerre nazis ont trouvé refuge en Argentine après la capitulation de l'Allemagne en 1945. Juan Perón, qui n'a jamais caché son admiration pour le régime du Troisième Reich, a instauré une politique d'accueil particulièrement favorable aux anciens nazis. Beaucoup d'entre eux ont pris la route de l'Amérique du Sud via l'Italie, grâce à une filière d'exfiltration baptisée Mission Odessa. Derrière cette entreprise, Otto Skorzeny, un ancien membre des commandos de la SS, spécialiste des missions à haut risque pendant la guerre. Bien qu'il soit recherché par les Alliés, Juan Perón en a fait son conseiller militaire officieux et Evita, son garde du corps occasionnel. Scott Zeni, merci d'être venu aussi vite. Puis-je vous demander pourquoi on m'a fait rentrer par l'arrière de la Casa Rosada aujourd'hui ? On n'est jamais trop prudent. En ce moment, je me méfie de tout le monde encore plus que d'habitude. Pour quelle raison ? Je sais que mes opposants préparent un coup d'État. Je préférerais donc que notre entretien ne figure pas à l'agenda officiel, histoire d'avoir un temps d'avance sur ces salauds. Toute cette agitation, c'est la preuve que vous dérangez. Et si vous dérangez, cela veut dire que vos réformes portent leurs fruits. On ne renverse pas un dirigeant qui ne sert à rien. Seuls les vrais leaders doivent se battre sans relâche pour conserver leur pouvoir. C'est aussi ce que vous disiez à Hitler ? Hitler m'appréciait car je lui parlais franchement. Et je fais la même chose avec vous depuis que vous m'avez accordé l'asile en Argentine. Je n'oublierai pas votre générosité pour moi et pour mes compatriotes qui ont dû laisser l'Europe derrière eux. Entre militaires, on se doit entraide et fraternité. C'est une devise universelle. Et puis l'Allemagne et l'Argentine ont une relation privilégiée depuis si longtemps. Votre amnistie pour tous les Allemands entrés sur le territoire argentin sous un faux nom a été d'un grand courage politique. Votre Führer aurait fait la même chose, j'en suis certain. C'est vrai. Vous avez beaucoup de points en commun. Qu'aurait-il fait aujourd'hui à ma place ? Le Führer ne laissait personne se mettre en travers de son chemin. Et il savait s'entourer. Et sa garde rapprochée lui vouait une fidélité sans faille. Et son pays marchait au pas. J'ai pu le constater lors d'un voyage en Allemagne en 1939. Les gens avaient l'air si heureux. Oui, le pays était sur de bons rails à l'époque. Les transports, l'économie, la police et l'armée surtout, tout fonctionnait à merveille. En Argentine, les fractures sont encore trop présentes et les réformes ne plaisent pas à tout le monde. Quand Eva et moi sommes arrivés au pouvoir, nous avons voulu frapper un grand coup. Nous n'avions pas le choix. Le peuple nous a élus pour ça. Et le peuple est toujours derrière vous, mon général, soyez-en certain. Le pays ne se résume pas à quelques félons qui jalousent votre ascension. Vous devez les mater une fois pour toutes. Vous avez raison. Je ne peux plus les laisser diffuser leur propagande anti-péroniste. Leur cheval de bataille assez pourri, c'est la tête extérieure. Ils n'ont que ça à la bouche. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Le pays est prospère. Les gens ont à manger. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Très bien, merci. Faites-le entrer tout de suite. Ma femme, je lui ai demandé de se joindre à nous. Madame Perón. Restez assis, Otto, ne vous dérangez pas pour moi. Je préfère vous prévenir tout de suite. Je suis d'une humeur massacrante. Je suis à bout de nerfs. Pour l'amour de Dieu, débarrassez-nous de ces sangsues. C'est ce que je disais à votre époux. Il faut tuer la rébellion dans l'œuf. J'ai les noms. Le ministère de l'Intérieur vient de me communiquer une liste très précise. J'avoue avoir eu quelques surprises, mais Dieu merci, ces abrutis ne sont pas discrets. Vous avez carte blanche, Otto. L'homme le plus craint d'Europe à l'époque d'Hitler. Montrez-nous ce que vous avez dans le ventre et détruisez-les. Eva, ma chérie, calme-toi. Les médecins te l'ont dit, tu ne dois pas t'énerver. Mais comment peux-tu rester si calme quand ils sont tous là dans notre dos à comploter ? Et tu sais, à travers toi, c'est moi qu'ils veulent atteindre. Ces militaires capitalistes à la botte des Américains ne veulent pas qu'une fille de la rue soit à tes côtés. Tu dois purger l'armée de ces traîtres. Eva, si je peux me permettre, mon général, il y a du vrai dans ce que dit votre épouse. D'après mes informations, c'est votre fondation, madame, qui est au centre de toutes les critiques. Ils voudraient nous renverser pourquoi ? Pour reprendre le peu qu'on a pu donner à ces pauvres gens. Montre-leur ce que c'est que le justicialisme, Juan. Tu as raison. Ce n'est pas seulement l'État-providence, c'est aussi l'ordre. Montre-leur que tu es le chef. Et malheur à celui qui se mettra en travers de notre route. Dieu est avec nous. Tout cela m'épuise, mais je ne baisserai pas les bras. Je vous laisse, messieurs. J'ai un rendez-vous à la CGT. Otto, je vous vois bientôt. Avec plaisir. Juan, ne m'attends pas pour dîner. Je vais rentrer tard. Contrôle de la presse, mise à pied de fonctionnaires anti-péronistes, mais aussi torture d'opposants par la police fédérale, le gouvernement militaire de Juan Perón, de plus en plus autoritaire, foule aux pieds les libertés individuelles. Mais la première dame peut compter sur le soutien inconditionnel de la CGT et de l'Église, d'autant que la vitrine sociale du régime éclipse ses abus. La fondation Eva Perón réunit désormais 14 000 employés et crée des écoles, des cliniques, des maisons de retraite et des centres de vacances. Mais Eva en veut toujours plus. Et après avoir arraché au gouvernement le droit de vote pour les femmes en 1947 et créé le Parti péroniste féminin en 1949, elle entend encore accroître son influence politique, ce qui est mal vu par l'entourage de Perón. D'autant plus que les élections présidentielles de 1952 se profilent. Hypnotisée par son héroïne nationale, le 22 août 1951, la foule, réunie sous le balcon de la Casa Rosada, presse Eva de se présenter pour devenir la vice-présidente de son mari. Prise de court devant cette immense démonstration d'amour populaire, Evita, comme l'appellent les descamisados, demande un temps de réflexion. Mais ce qu'Eva ne sait pas encore, c'est qu'elle souffre d'un cancer de l'utérus à un stade déjà très avancé. Malgré les alertes médicales, Eva ignore ce corps qui la lâche. Elle veut y croire et se sent prête à affronter les élections. Pour la première fois de ma vie, j'ai peur. Mais tout ira bien. Tu me l'as promis. Juan, mi amor, je te dois tant. Qu'est-ce que ma vie aurait été sans toi ? Quelle responsabilité d'être adorée par ce peuple. Je ne peux pas gâcher cette histoire de cœur. Juan, tu m'as installée dans une chambre à l'autre bout du palais présidentiel, soi-disant pour mon bien. Foutaise. Je le vois bien. Tu es agacée par les allées et venues des infirmières, les décisions à prendre avec les médecins. Le poids de cette responsabilité te pèse. Tu m'éloignes parce que je te dégoûte. Tu as peur que la puanteur de la mort ne vienne t'asphyxier. Mais fais attention. La voix du peuple, c'est moi. Le péronisme, c'est moi aussi. On peut tout me reprocher, même d'avoir frayé avec les pires criminels. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour les Argentins. Juan, n'oublie jamais que les militaires qui t'entourent sont des oligarques et que c'est grâce à moi que tu es devenu président. Grâce à moi. Levez les bras, Madame Perón, s'il vous plaît, que je puisse prendre vos mesures. Attention, doucement, s'il vous plaît, qu'elle ne se fatigue pas trop, surtout. Ne t'inquiète pas, Juancito, ça va aller. J'espère que je n'ai pas encore perdu une taille. Vos proportions sont parfaites. Je vais simplement resserrer avec deux pinces l'arrière de votre jupe. Vous serez magnifique, comme d'habitude. Merci. Je ne veux pas que ce soit trop clinquant. Je ne suis pas certaine de ce vert foncé. Et par superstition, les actrices n'en portent jamais sur scène. Partons sur du gris, comme toujours. Ça reste une déclaration de candidature. Je veux que les Argentins me voient comme je suis. Très bien, madame. Merci, Diego. Alors, c'est vrai ce qu'on dit ? Tu vas te présenter ? Tu as pris ta décision ? Moi, je ne veux rien. C'est le peuple qui le demande. Et tu sais bien que je ne peux rien lui refuser. Je n'ai pas le choix. Tu as besoin de te soigner pour mieux revenir. Mais Descamisados ne comprendrait pas si j'abandonnais maintenant. Tu te trompes. Le peuple tient à toi. Si tu te tues à la tâche, qui reprendra le flambeau ? Et si je ne me présente pas ? Qui sera le vice-président de Perón ? Tu as la tête dure. Je ne me sens pas très bien. Eva, est-ce que ça va ? Je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Tu as raison. Je ne pourrai jamais me présenter. Je ne tiens pas plus de 2 minutes sur mes jambes. Qu'est-ce qui m'arrive ? Calme-toi. Assis-toi. Eva? J'ai 32 ans. Je suis si jeune. Je ne veux pas mourir. Pas maintenant, c'est impossible. Mais tu ne vas pas mourir, qu'est-ce que tu racontes? Dieu te protège. J'ai peur, Juancito. Les meilleurs médecins se penchent sur ton cas. On va t'opérer et tout rentrera dans l'ordre. Cette opération me terrifie. Je sais, mais ça va bien se passer. J'espère que tu dis vrai. Tu es la plus forte de nous tous. Quand maman travaillait toute la journée et que j'essayais de profiter de son absence pour faire un peu de bêtises, toi, tu ne perdais jamais une minute à rêvasser. Je me souviens. Je me souviens aussi des jours où papa venait nous rendre visite. Il nous ramenait des bonbons et des caramels. C'était la fête. Pour lui, nous n'étions que des bâtards. Sa vraie famille était la seule qui comptait. Mais avec toi, c'était différent, peut-être. Je crois que tu étais sa préférée. Il aurait dû mettre maman à l'abri avant sa mort. Mère célibataire avec 5 enfants. Quel courage elle a eu. C'est cette injustice qui nous a donné la rage de nous battre, à maman et à nous. Tu te souviens de l'enterrement de papa? Comment maman nous a traînés là-bas? Le scandale que sa femme a fait. Maman voulait que ses enfants puissent dire adieu à leur père. Mais même ce jour-là, toi, la plus petite de la famille, tu n'as pas versé une larme. C'est ce que tu crois. Je vous dérange une minute. Mon général. Evita, tu es blanche comme un linge. Ça va? Oui. Ne t'inquiète pas, je vais mieux. Alors je t'en prends de point de site. Je vous suis, mon général. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle se sent? Je ne l'ai jamais vue aussi faible. Ça ne va pas du tout. Je ne peux pas supporter de la voir comme ça. En tout cas, elle s'est rendue à l'évidence. Elle ne va pas se présenter. Bien. Je vais demander à ce qu'on organise une allocution radiophonique pour elle. Je vous laisse lui annoncer. C'est mieux comme ça. Autre chose, Juancito. L'hystérectomie est confirmée. C'est le chirurgien américain qui va s'en charger. Pas un mot, compris? Et surtout, pas à elle. Il ne faut pas qu'elle sache ce qu'on va lui faire. Le fait qu'un Yankee la soigne la mettrait hors d'elle. J'ai convenu avec lui qu'il ne rentrerait au bloc qu'après son anesthésie. Si c'est le meilleur au monde, nous n'avons pas le choix. Il n'y a que lui qui puisse la sauver. Quelques jours plus tard, Evita annonce qu'elle renonce à se présenter. La maladie progresse à une allure fulgurante. Et le 5 novembre, elle est opérée à Buenos Aires, dans le plus grand secret. Mais l'hystérectomie ne peut rien. Le cancer s'est déjà propagé à son foie et à ses poumons. Quelques jours après, le 11 novembre 1951, les Argentines votent pour la première fois. Eva glisse son bulletin dans une urne qu'on lui apporte sur son lit de convalescence. C'est l'une des dernières images qu'on garde d'elle. Elle mourra le 26 juillet 1952, à l'âge de 33 ans, laissant tout un pays éploré et en état de choc. Bien qu'elle n'ait jamais voulu connaître le mal dont elle était atteinte, Eva Perón se savait mourante. Et 3 semaines avant l'opération de la dernière chance, elle a voulu s'adresser à son peuple. Du balcon de la Casa Rosada, devant une foule en larmes, Evita, dans un discours prémonitoire qui fera date dans la mémoire collective des Argentins, fait ses adieux à ses descamisados. Ce testament passionné met fin à une aventure politique singulière, à un régime taillé sur mesure pour ce couple mystérieux et imprévisible. Même les fenêtres fermées, j'entends l'Argentine crier mon nom. Il va falloir qu'ils apprennent à vivre sans moi. Et Juan, qu'est-ce qu'il va devenir? Je mesure à quel point il est perdu, effrayé comme un petit garçon par ce qui nous arrive. Il est là, derrière moi, avec toute la junte, certes, mais si seul déjà. Certains d'ailleurs ne cachent pas leur bonheur de me voir mourante. Je les sens fébriles. Ils ont peur de mon pouvoir sur le peuple, peur de ce que je vais lui dire. Un seul mot de moi, et ces milliers de gens pourraient renverser tous ces guignols dans la minute. Qui aurait cru que l'armée argentine se coucherait devant Eva Duarte? Qui aurait cru que tous ces machos devraient leur avenir politique à Evita? Patience, messieurs. Je vais bientôt tirer ma révérence. Alors laissez-moi profiter de mon dernier tour de piste. De toute façon, le monde a toujours été régi par des femmes, que les hommes le veuillent ou non. Mais aujourd'hui, le pouvoir, je le leur laisse. Le peu de temps qu'il me reste à vivre, je veux l'offrir tout entier à mes descamisados. Eva, tu es prête? Oui. Ça va aller? Tu peux prendre ton temps, tu sais. Non, c'est le moment. Ils m'attendent. Chargé en émotions pour moi. Je tenais de toute mon âme à être avec vous et Perón en ce jour du 17 octobre pour l'anniversaire de notre toute première victoire ensemble. Je vous assure que rien ni personne n'aurait pu m'empêcher d'être parmi vous aujourd'hui. Car j'ai une dette sacrée envers vous. Les travailleurs, les garçons de la CGT, les descamisados et tout le reste du peuple. Et peu importe les lambeaux de ma vie que j'ai perdu pour vous la payer. Compañeros, je vous demande une seule chose aujourd'hui, que vous fassiez le serment de défendre Perón et de vous battre pour lui jusqu'à la mort. Eva Perón, la Madone du visage de Clara Saer et Zoé Gabillet avec Eva Perón, Fanny Marie, Juan Perón, Olivier Boudreau, Juan Cito, Manuel Ulloa Colonia, le tailleur Loïc Maubillon, Scorzeni, Johannes Hamm, Rita, Lara Suyeux, bruitage Bertrand Amiel, enregistrement, montage et mixage Claude Nior et Julie Garraud, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Sophie Haute-Picon. Difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial. Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris. Siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol, busqué ser libre. Necesito. Jamás poderes ambicioné, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran de amor. No llores por mi Argentina par Elena Roger, tirée bien sûr de la comédie musicale Evita. Vous écoutez France Inter, Autant n'importe l'histoire. L'émission est réalisée par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Loïc Frapsos. Guillaume de Gracia, Eva Perón, donc, est morte à 33 ans le 26 juillet 1952. Mais d'une certaine manière, une deuxième vie va s'ouvrir pour elle. Sa mort marque le début d'un véritable culte. Est-ce que ce culte est spontané ou c'est mis en scène par son veuf, Juan Perón? Un peu des deux, dans la mesure où, par exemple, pendant un mois et demi, il va y avoir un deuil national organisé par le pouvoir suite à la mort de d'Evita Perón. Le corps d'Eva Perón est embaumé à la demande de Juan Perón, et donc il va se passer quelque chose d'assez incroyable. En 1955, un coup d'État va renverser le président Juan Perón, qui partira en exil. Un commando va s'emparer du corps d'Eva Perón et va commencer un incroyable et macabre périple qui conduira, je crois, le cercueil en Italie. Qui conduira le cercueil en Italie, qui conduira le... Donc il y aura une séquestration qui va durer en fait 19 ans, puisque le corps de Evita, embaumé, ne reviendra qu'en fait en 1974 dans le pays, et ne sera restitué à la famille qu'en 1976, par la dernière junte en fait qui a connu le pays, à savoir celle de Videla. Donc effectivement, il y a tout un travail autour de cette histoire qui fait que ce corps absent en fait que les Argentins et les Argentines, devant lequel ils ne peuvent pas se recueillir, en fait conduit à diviniser d'une certaine manière, puisque par exemple un des observateurs avisés de l'Amérique latine, de l'Argentine en particulier dans les années 60, Louis Mercier Vega, note que il y a la poste argentine reçoit régulièrement des lettres adressées à Evita, résidente au ciel, et dans lesquelles effectivement les essentiellement les femmes d'ailleurs demandent une intercession d'Evita auprès de Dieu pour tout un tas de raisons, des plus triviales aux plus sérieuses bien évidemment, et donc il y a vraiment effectivement cette absence de corps, mais bon, on pourrait lister toute une série de à commencer par le fait qu'elle est morte à 33 ans, hein, pour un pays catholique, cette date est symbolique, à commencer par le fait qu'elle est morte... L'âge du Christ, quand il est mort. L'âge du Christ. Elle est morte sans avoir eu d'enfant, d'un cancer de l'utérus, ce qui en ferait potentiellement une espèce de vierge. Elle prononce, elle est le verbe de Dieu, si on veut bien faire cette comparaison avec Perón. Donc il y a toute une série de comparaisons qu'on pourrait faire de ce point de vue qui sont assez intéressantes dans un pays donc effectivement catholique et marqué encore une fois par une forme de syncrétisme et de religiosité populaire que l'on peut remonter à, évidemment, le passé amérindien, etc. Comment décrire le lien qui unissait Evita Perón avec le peuple argentin? Il y a donc cette dimension un peu mystique dont vous parlez, Guillaume de Gracia, mais de sa part à elle, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle a une réelle empathie pour le peuple ou c'est quelque chose de fabriqué, un arrivisme, un autoritarisme déguisé en charité? Autoritarisme, certainement. J'aurais tendance à croire qu'en tout cas, elle est très profondément sincère à la différence de son compagnon, et elle est courageuse, y compris physiquement, à la différence de Juan Perón. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles elle ne peut pas se présenter à la présidence en 1951, c'est parce que Perón n'ose pas, l'imposer face aux militaires. Un slogan des Montoneros, donc un des groupes révolutionnaires paramilitaires argentins, pardon, des années 60-70, c'est Montoneros, avait un discours, un slogan qui était « Si Evita viviera Montonera sería Montonera, c'est-à-dire en français, si Evita vivait, elle serait Montonera. Sous-entendu, ce serait une révolutionnaire, les armes à la main. Donc, je pense que concrètement, cette vision-là, je pense, est tout à fait juste. On peut pas lui faire ce procès. Les années où Juan et Eva Perón ont été au pouvoir ont été des années de grandes actions sociales, de grandes avancées sociales pour les Argentins. Et Eva, elle y a joué un rôle personnel, clairement. Elle y a joué un rôle tout à fait personnel, tout à fait engagé, bien qu'elle ait joué sur l'ambiguïté, justement, ce caractère un peu, comment dire, sacrificiel, assistentialiste que l'on prête aux femmes dans ces années-là. Bon, elle a obtenu le droit de vote pour les femmes en 1947. Ça, c'est un fait, mais bon, l'histoire allait dans ce sens-là de toute manière à l'époque. Elle a aussi créé des écoles, des hôpitaux, des asiles, des bourses d'études. Tout ça, c'est quand même un peu de son fait, pas seulement de Juan Perón. Complètement. Ça, c'est effectivement Evita qui en était moteur et qui l'a impulsé très, très fortement. Guillaume de Gracia, on a entendu le couple Perón avoir comme conseiller Otto Skorzeny, donc l'ex-officier SS, un proche d'Hitler. Quels étaient les liens des Perón avec les nazis? Ça a été dit dans la fiction. Perón, entre 39 et 41, fait un séjour en Europe, en Italie et en Allemagne. Il est très impressionné par la communauté organisée nazie. Il considère que le fascisme italien est un, je cite, socialisme sui generis, c'est-à-dire un socialisme pur tel que lui le conçoit. Il est d'extraction extrême droitière tout à fait clairement. Bon, il y a des noms qu'on connaît, Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Ante Pavelic, qui sont passés par l'Argentine. Au-delà de ça, ce qui paraît intéressant de noter quand même, c'est qu'au début des années 30, on en a parlé un peu tout à l'heure, l'Argentine est un pays quand même qui est, assez pauvre, très peu industrialisé, que une fois le Perón arrivé, les caisses sont remplies, puisque l'Argentine a été la principale pourvoyeur de viande de l'Europe en guerre. Donc Perón va utiliser tout cet argent-là pour industrialiser, mais derrière, il faut noter par exemple des éléments assez troublants, comme par exemple le fait que l'industrie nucléaire argentine est une industrie qui s'est développée tout à fait de manière autonome. De la même manière que, par exemple, l'Argentine, on le sait peu, est la quatrième puissance à avoir envoyé un être vivant dans l'espace. Vous voulez dire que les nazis ont contribué à l'essor industriel de l'Argentine à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Oui, je pense qu'on peut dire que voilà, il y a un certain nombre de cerveaux ont fui, d'aucuns ont été récupérés par l'Union soviétique, d'autres par les États-Unis, mais l'Argentine, je pense, en a récupéré une bonne partie aussi, ce qui a permis derrière l'essor de l'automobile, des programmes spatiaux ou du nucléaire. Merci beaucoup Guillaume de Gracia. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Sueur et de Sang, mouvements sociaux, résistance populaire et lutte armée dans l'Argentine de Perón, paru aux éditions Sileps. À lire également sur l'Argentine et le péronisme, Le siècle de Perón, essai sur les démocraties hégémoniques d'Antoine Rouquier au Seuil. Voilà, c'est la fin d'Autant en emporte l'histoire pour ce soir. Vous pouvez la réécouter sur notre site franceinter.fr où j'attends aussi vos commentaires avec impatience ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Et je remercie France Bleu Occitanie. La semaine prochaine, nous partirons en 1830 en compagnie de quelques jeunes poètes chevelus, effrontés et romantiques. À Paris, Hernani, la pièce de Victor Hugo fait un triomphe et marque l'avènement du romantisme en France. 1830, la bataille d'Hernani, c'est dimanche prochain dans Autant en emporte l'histoire.